qu'un peu les filles. Allez, Warpy ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG 90.7, la bande FM, et RIGFM.fr sur le net. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Johnny de A à Z, ici, voilà, hein, le mercredi de 22h jusqu'à minuit, ou sinon plus, c'est souvent plus, vu que Thierry déborde, eh bien on va faire plus encore. Je suis très heureux pour vous accueillir, de vous accueillir pour une nouvelle émission, la 564e émission de Johnny de A à Z, et aujourd'hui nous avons un album de la semaine, qui a fêté son 27e anniversaire. C'est l'album Ce que je sais, sorti le 24 janvier 1998. On avait laissé en 1994 sur... On avait laissé Johnny Hallyday, hein, en 1994 sur un album en anglais baptisé Rough Town, qui nous avait sacrément interpellé tant la voix était intense et tant l'envie de nous faire partager ce trip en VO était généreuse et habitée. On l'avait laissé un peu plus tard en 1995 sur un Bercy exceptionnel, transcendé par une séquence des un plug si vous préférez, qu'on n'était pas prêt d'oublier. Et on l'avait laissé plus tard encore en 1998 sur un coup de folie comme jamais aucun artiste n'avait imaginé en proposer, capturer 5000 fans et les déposer à des milliers de miles de là, dans un immense désert, celui de Las Vegas, au pied de l'âme de Presley, pour un concert quasi exclusivement composé de créations nouvelles. Et là, on l'avait laissé en 1997 parce qu'il préparait dans l'ombre un de ces coups de tonnerre fracassants qui sont la seule et unique manière de revenir. Et c'est en ce mois de janvier 1998, il revient. Donc oui, Johnny, et plus rien n'est pareil. On lui connaissait les cheveux longs, ils sont courts, on le connaissait galbre, il arbore moustache et bouc. On l'avait vu s'amuser à porter des vêtements délirants, hein, avec, souvenez-vous, avec les taches de noir sur fond blanc, zèbre ou vache, non pas vache quand même pas, basket à paillettes, attirail du biker au long cours, et le voilà en strict costume sombre. Au moment où il fait corps avec une des équipes les plus psychédéliques de la variété française, il est là, lui, à dire sa sobriété par l'image et ses failles et ses doutes par voie de presse. Johnny Hallyday a toujours testé les retours simples, il a toujours fui les caricatures qui, il est vrai, ont toujours cherché à le piéger. Et en cette année 1998, qui le verra se produire dans l'air fermé la plus immense de sa carrière une fois de plus, il complique à plaisir le travail de ses attachés de presse. Il raconte à son ami Rondeau ses démêlés avec de vieux démons et qui ne cesse de lui tendre un miroir déformant. Il lance sur les radios un single appelé « Ce que je sais », qui est tout, sauf ce qu'on lui sait de lui, précisément. Et il casse son image, il pétrit son destin en direct, il s'appuie sur le cinéma pour achever de brouiller les pistes. Et lorsqu'apparaît l'album « Ce que je sais » en janvier 98, Johnny a donné très peu de nouvelles depuis quasiment un an selon la presse. Il chaloupait sur son bateau, quelque part vers les tropiques. Et le retour n'en est que plus spectaculaire, d'autant plus que l'artiste a changé de look, de direction musicale et d'habillage sonore. Ce Johnny en confiance, tout à la fois serein et en proie de ses plus vieux démons, c'est un jeune chanteur de variété qui a la charge de le fournir en nouvelles chansons depuis le premier semestre de 1997. Il s'appelle Pascal Obispo et refrain inconnu, quand on apprend qu'il va prendre en main le nouvel album de l'idole, on ne sait pas trop quoi en penser. Et le 13 janvier 1998, on a la réponse. Ce que je sais passe en boucle sur les radios et on peut se procurer le single dans le commerce. C'est une œuvre assez surprenante, dotée d'une mélodie somptueuse et plutôt difficile à négocier, avec des départs dans les aigus que Johnny va chercher comme une proie dans les montagnes. C'est ce titre qu'on va écouter tout de suite, le premier titre de cette soirée et le premier titre de l'album de la semaine, Ce que je sais. Voici Ce que je sais, bien entendu. Bonne émission toutes et à tous et bonne écoute. Thank you. que je sais, c'est que je suis là. Ce que j'en sais, c'est que j'en suis là. Je crois ce que j'ai vu, je sais ce que je dois savoir. Et c'est la seule rue qui mène quelque part. Ce que j'étais, c'était avant toi. Je sais où j'étais, j'y étais sans toi. Les viva Zapata qu'on criait sur les toits. Comme à chaque fois qu'on y croit. Si je m'en sors, le moins mort que vivant. C'est que jamais, oh jamais non, personne n'assure pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'assure pour moi ce que je sais, ce que je ressens. Ça, je le sais. Oh, je le sais. Maintenant, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Ce que j'en ai fait, ça, ne t'en fais pas. Je tire un trait et on se barre sur le seul freeway qui mène quelque part. C'est que jamais, oh jamais non, personne n'a su pour moi ce que je sais, ce que je sens. Non, jamais non, personne n'a su pour moi. Oui, ce que je sais, ce que je ressens, ça, je le sais. Oui, je le sais. Maintenant, ça, je le sais, oui, je le sais, maintenant. Mais jamais, non, personne n'en a su pour moi ce que je sais, ce que je ressens, ça. Je le sais, je le sais maintenant. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live au Zénith en 1998, lors des répétitions du Stade de France, bien sûr. Parce que tu Le 30 août 1998, il donnait des répétitions au Zénith de Paris pour les membres de son fan club et les voyageurs de Vegas, auxquels il avait adressé une lettre en quelque sorte d'excuse. Il les avait invités pour les répétitions pour ce fameux Stade de France qui devait commencer le fameux 4 septembre 1998. Mais revenons à l'album de la semaine et puis aussi à Johnny Hallyday et donc toute la campagne publicité autour de l'album Ce que je sais. C'est un des maillons saillants d'une campagne publicitaire assez atypique, où l'artiste s'expose comme rarement, comme si après l'équipée de Vegas en 1996, il fallait reprendre charnellement contact avec ceux qui le soutiennent depuis si longtemps. C'est d'ailleurs par un entretien hors norme que Johnny a attaqué le versant le plus spectaculaire de ce long parcours médiatique de présentation. Le mercredi 7 janvier 1998, la France se frotte les yeux en déployant les pages du quotidien Le Monde. Oui, le rocker s'y entretient avec l'écrivain Daniel Rondeau, avec sur deux pages baptisées Confession, comme cette longue improvisation de l'Olympia 1966 où l'idole déjà parlait de sa solitude et confiait à son public qui cherchait l'apaisement dans l'amour. Sauf que là, il ne s'agit plus de chauffer la salle mais plutôt d'accepter la règle du jeu plutôt rude d'un feu roulant de questions indiscrètes. « Je sais que le bonheur n'existe pas », explique Johnny. « Il n'y a que la douleur et la solitude. J'en parle souvent parce que je ne veux parler que de ce que je connais. Quand je dis parler, c'est chanter. Les amis, je les compte sur les doigts d'une main. Juif, arabe, noir, blanc, je ne fais pas la différence. Moi-même, je suis catholique et croyant. La première fois que j'ai fait le palais des sports, je suis allé même à l'église brûler un cierge pour que tout se passe bien. Je suis non pratiquant, faut-il le préciser. Je ne connais aucune prière, mais tout homme a besoin de croire. Et les jeunes comme Florent Pagny Obispo m'appellent le patron. Les musiciens, eux, m'appellent le boss. Et les ouvriers qui travaillent pour moi sur les tournées m'appellent l'homme. C'était des extraits de cette fameuse interview que Johnny avait donnée à Daniel Rondeau pour Le Monde. Voilà, Le Monde et Johnny, c'est deux mondes carrément opposés. Et puis, en extrait du coffret Plus près de vous, avec tous les articles de presse de Johnny Hallyday en janvier 1998, il y avait un entretien de Johnny Hallyday avec Thierry Desmazières dans l'émission Transparence sur RTL. C'était le 19 janvier 1998. Transparence, Thierry Desmazières, Johnny Hallyday. Une belle gueule, une belle allure, un costume noir. Il faut être un vrai rocker pour vieillir comme ça, avec des rides sans prendre de bide. Johnny Hallyday réussit enfin à ouvrir son cœur de rocker et nous dire ses blessures enfouies que seules jusqu'alors ses chansons exprimaient. Il nous révèle aussi une part de son mystère, la clé de son talent, son mal-être, sa souffrance. Je pense que chaque personne, pas trop con, ne peut pas dire très objectivement « j'ai toujours été très heureux ». Vous avez dit une phrase étonnante, j'ai préféré pendant de longues années passer pour un imbécile parce qu'on ne se méfie pas des imbéciles. Bon, ben c'est certain, ça me permet d'observer les gens. Je crois qu'il ne faut jamais décevoir les gens. S'ils pensent que vous êtes un abruti, laissons-les croire qu'on est un abruti, c'est pas grave. Jusqu'au jour où ils s'aperçoivent qu'on n'est pas si con que ça. Je connais beaucoup de gens instruits qui sont des abrutis. Oh non, mais les fans sont loin d'être des imbéciles, autrement je ne serais plus là. Vous avez une phrase très belle, vous dites que vous avez une vie de destroyance. Oui, parce que je crois plus à la destroyance qu'au bonheur con et simple. Je suis quelqu'un de très compliqué dans ma tête. J'ai besoin que tout aille mal pour que tout aille bien. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. C'est comme ça. Je préfère me relever avec des problèmes et surmonter ces problèmes pour remonter en haut plutôt que d'être un, comme disait Brel, beau ou con à la fois. Et de dire, je me lève le matin, le soleil est beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Je veux dire, on n'a pas grand chose à dire dans ces cas-là. Ce qui nous frappe aussi, c'est que vous êtes obsédé par l'idée de mourir, mais de mourir comme un rocker, que votre mort ressemble à votre vie. J'ai peur de l'échéance de la mort. J'ai mon regretté Gilles Paquet, qui était mon ami intime. Nous avons commencé ce métier ensemble. Je l'ai vu dans la déchéance, je l'ai vu mourir petit à petit, d'une façon qui n'est pas belle à voir. Moi, c'est ça qui me fait peur. Mais mourir, quoi ? Mais on a l'impression que vous voulez une mort à 200 à l'heure mais dans non, une voiture. Je m'en fous, de personnellement, de mourir. Ce qui me fait peur, c'est de mourir en se sentant mourir et pas bien, quoi. Et quel est votre âge de vivre ? Quelle est la revanche que vous voulez jouer ? Est-ce que c'est ce père qui vous a abandonné à 8 mois qui fait que vous ne serez jamais comblé, que vous courez encore ? Ça a été la plus grande meurtrissure de ma vie. Je pense que c'est ce qui a fait, c'est ce qui a provoqué mon désarroi, un petit peu mon déséquilibre dans ma vie d'homme, et qui m'a marqué au fer rouge. Et ça, je suis malheureusement né avec ça, et ça ne me quittera jamais jusqu'à mon dernier souffle. On ne guérit pas de ça ? Non, je pense que c'est une chose dont on ne guérit pas, non. Mais pour de nombreux fans, de savoir que vous souffrez comme ça, que la nuit vous dormez mal, que vous avez besoin tout le temps de bouger, ça les a impressionnés. Mais je dors très mal parce que je suis quelqu'un d'angoissé, je dors très mal parce que je n'aime pas la nuit. La nuit est une chose qui m'angoisse terriblement. Je suis content quand le petit jour arrive parce qu'enfin je peux commencer à dormir paisiblement. Je sors beaucoup moins qu'on le dit, la plupart du temps je reste chez moi. Mais bon, ça n'empêche que la nuit est pesante, je trouve que la nuit c'est effrayant. Qu'est-ce qui vous effraie dans la nuit ? La nuit. Et pourquoi vous êtes tant planqué jusqu'à maintenant ? J'en ai marre de l'image des guignols, j'en ai marre de tout ça, et je voulais quand même montrer que mais il y a quand même derrière le chanteur, il y a quand même autre chose, il y a aussi un homme. Au cours de cette émission, vous allez écouter de nombreux extraits audio de la VHS, histoire d'un album réalisé par Patrice Golupo et Jean-Albert Buteau avec la voix de Gilles Verlan. Voici dans quelques secondes la session d'enregistrement de la chanson Allumer le feu, mais juste avant, on va écouter Pascal Obispo qui parle de sa collaboration avec Johnny et de la chanson emblématique Allumer le feu. Il y aura également Zazie. On était potes en fait. À partir du moment où il a vu que j'étais pas quelqu'un de, comment dire, de consensuel et de traditionnel, il a bien compris très rapidement. Rapidement, quand on était en studio, que j'étais sauvage, c'est aussi sauvage que lui quelque part, et ça lui plaisait. Il aimait pas trop. Il me dit des conneries. Je me souviens, je dirais pas ce qu'il m'a dit. Ah bah si. Mais non, absolument pas. Vous savez, pour Johnny, pour l'album, on a eu un peu moins de 3 semaines pour composer tous les titres. Ouais. Donc ça a été assez difficile. Mais quand j'ai été présenté sur son bateau à New York le projet, en partant, il m'a vraiment demandé, il me dit, écoute, j'ai besoin d'une chanson pour ouvrir le Stade de France. Donc j'ai appelé ma copine Zazie et puis j'ai trouvé une idée parce que là, a priori, ce qu'on a fait, c'est pas suffisant. Et elle m'a envoyé le texte d'Allumer le feu. Et... Je suis au mois d'août, je viens de me faire larguer. Ça commence bien. Et en plus, il pleut, il y a de l'orage. D'où la première phrase, tourner le temps à l'orage. Non mais je te jure, ça, on cherche pas bien loin. Je suis dans mon petit appartement, il fait très chaud et je suis en dépression. Je suis triste. Le téléphone sonne, je me dis c'est peut-être mon ex, pas du tout. C'est Pascal Obispo. Ouais, ça va, je te dérange bien, ouais ou pas ? Non, bah au moins c'est toujours ça, un peu de chaleur humaine. Dis-moi, tu fais quoi là ? Bah je dis bah rien, je déprime. Écoute, il faudrait me faire un texte pour une chanson qui ferait un peu l'ouverture du Stade de France pour Johnny Hallyday. Bon, la phrase est déjà suffisamment abstraite, donc je ricane bêtement en disant eh oui, c'est ça, bien sûr. Et puis sinon, c'est pour quand ? Tant qu'à faire, allons dans les informations. Eh ben demain, enfin, ou pour hier en fait. Allez, au revoir, mute ! Mute ! Je suis restée comme ça. Et sans doute de peur ou de stress, j'ai essayé dans l'urgence d'essayer de faire cette chanson. Donc vous êtes parti des mots de Zazie. Ça on est parti des mots de l'Asie, avec Pierre Jaconelli qui était là aussi, on a essayé de trouver une idée, et puis je me suis mis dans une posture johnny-esque, debout, il était sur une petite chaise en bois, et j'ai essayé de le diriger au niveau des accords pour essayer de trouver une idée, mais je me suis mis vraiment à essayer de me mettre dans sa peau, ce qui est assez difficile, parce que voilà, personne ne remplace Johnny, et puis c'est sorti comme ça. Et... Le Johnny qui nous a pété quand même deux micros quand il a fait, quand il l'a enregistré en studio. Il dit, je fais Johnny, pardon, un instant, on va changer la cellule du micro. Et capoute. Et il était comme un gamin. En fait, je pense que ça faisait rire Johnny aussi. Et c'était vraiment, c'était super. C'est que si vous n'avez pas un interprète qui sublime une chanson sur scène comme lui, la chanson, quand elle est passée à la radio, elle n'a pas marché. Hein. C'est limite, ouais, bon, bah tiens, c'est un Johnny... On la passe comme ça du bout des doigts. Les programmateurs radio, ils se sont dit ah oui, mais finalement, c'est... Et puis nous, on s'est dit avec les copains que ouais, on avait bien travaillé, mais c'est une méthode assez rock'n'roll en fait. On est dans la fulgurance d'un riff, d'un accord. On n'est pas, je réfléchis pas, je n'intellectualise pas la musique. Voilà, je trouve que l'intellectualiser, c'est perdre cette spontanéité d'écoute possible quand on est un auditeur. C'est vrai que c'est sans doute. Alors après, dans le répertoire de Johnny, il y a des chansons fantastiques, notamment composées aussi par son fils après. Mais celle-là est un hymne. Mais celle-là lui ressemble beaucoup, ouais. À tous les niveaux. Je trouve qu'allumer le feu, c'est vraiment, ça lui correspond parfaitement avant et une fois qu'il soit parti aussi. Johnny vient bientôt rendre visite à toute l'équipe à l'occasion d'un essai micro avec Steve Boyer, l'ingénieur du son américain. Et question d'écouter ce qui a déjà été mis en boîte. Tant qu'il y est, comme vous allez le constater, Johnny se laisse prendre au jeu et en profite pour enregistrer déjà quelques voix pour l'un des morceaux part de ce nouvel album, Allumer le feu. Ok, bon, laissez les micros, c'est quel micro là, voilà. Ah là, c'est au milieu, celle de milieu. Celui-là. Oui. On laisse celui-là. D'accord, on va laisser celui-là. Ah, mais je vais me régler, moi. Pour la note, là, il n'y a pas de problème. Non, ça va aller, quand la voix est chaude. Ouais. Attention, ce que vous allez voir est exceptionnel. C'est la première fois que Johnny chante ce titre qui fera l'ouverture de ses concerts au Stade de France. Tournez le temps à l'orage. Revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les parages, et sortir le lourd de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares, relever les motos qui démarrent, il suffira. C'est super ce passage. Comment il est ce micro-là ? Pas mal aussi. C'est assez aigu. Tu as votre casque 2 minutes. Ouais. Ça, c'est celui-là. Le gros. Ça, c'est le gros, le d'accord. Le noir, la grosse. Celui de droite. Ouais. Écoute le 47, on finit attends. Par 1. Forcer les portes, les barrages. Ressortir le loup de sa cage. Sentir le vent qui se déchaîne. Battre le sang dans nos veines. Monter le son. Pas mal le micro du milieu. Hein. C'est le dernier qu'on a dit. Le dernier, oui. Parce que faudrait juste refaire cette phrase là dans le refrain, dans vos yeux. Et donc on reprend après le chorus de guitare, il y a un passage. Elle est là-bas, ça on la garde. Elle est là-bas l'autre. Là-bas, ah ouais. Bon. Omar, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait recommencer la chanson dès le début sur une autre piste, quoi. Parce qu'on a déjà la première partie sur non. Le deuxième, c'était vraiment ça, le placement. On fait le premier. Le deuxième, c'était ça. Ouais, on réparera tout ça. Allumer le feu, allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer. Exactement ça. Demain, je crois que tu parles. Oui. Pour la voir plus blanche. Bien fait. On va la voir un peu blanche. Bon. Ça va être bien. T'as déjà détruit 3 micros, donc... Il y en a 2 qui sont pétés, déjà. Comment avoir la voix blanche en chantant comme Johnny Hallyday? Voici Allumer le feu. Version de l'album de la semaine, Ce que je sais. Les parages, sortir le loup de emblématique Allumer le feu de Johnny Hallyday, de datant de 1998, extrait d'album de la semaine Ce que je sais de 1998, bien entendu. Et je vous rappelle que cette émission sera en deux parties. La première partie sera consacrée à l'album composé par Pascal Obispo, Ce que je sais, et la deuxième partie traitera du Stade de France 98, les préparatifs, tout comme après, on va retrouver Johnny Hallyday en direct dans le stade, et puis avec toutes les petites péripéties qu'il y a pu y avoir. On retrouvera ça pendant ces deux heures d'émission. À présent, nous allons retrouver Steve Boyer, qui est l'ingénieur du son de l'album Ce que je sais. Steve Boyer a également été producteur de l'album Unplugged de Eric Clapton. Oui, j'ai travaillé avec Johnny il y a 5 ans sur Sans chance par un homme. Et puis, il m'a parlé de dire qu'il était à New York sur son bateau. Et moi, j'habite à New York. Et puis, il m'a appelé pour dire bonjour. Et puis, oui, je suis en train de commencer un nouveau disque. Est-ce que vous serez intéressé de travailler dessus? J'ai dit oui, j'aimerais bien. J'ai rencontré Pascal, comme ça on s'est bien entendu, et puis commencé à travailler comme ça. Alors ce que j'aimais bien, c'est de travailler en France, et de Pascal il est très bon, il me laisse trouver les sons un peu bizarres, un peu des choses. Alors cet album là j'ai vraiment se mettre à faire un truc un peu différent, quoi, le prendre des risques avec le son, le niveau de son et tout ça, et c'était vraiment bien pris. He was very open to suggestions on sound. So, ah non, attends, mais faut mettre des sous-titres. Très bien. Ah bon. Ouais, c'est vrai qu'on a essayé d'aller au bout, de pas se donner de limites. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Nos limites qui a écrit Didier, et c'est vrai qu'on n'a pas eu de limite au niveau du son. On s'est dit, on fait l'idée, allons à fond tout le temps. Donc au niveau des textes et au niveau de la musique et au niveau du son, c'est-à-dire que c'est vrai que le son est énorme. Donc on a essayé de conjuguer le tout, quoi. Paroles en français, mélodie et puis son gros son et la voix de Johnny, et ça donne quelque chose qui nous plaît bien, quoi, c'est pour une l'instant. Bonne équipe, quoi. Voilà, une bonne équipe. C'est important de travailler en équipe parce qu'il faut dire aussi que tous les musiciens, c'est les musiciens avec lesquels j'ai l'habitude de travailler sur scène, qui m'accompagnent en tournée, et on a décidé de faire l'album plutôt que de faire, parce qu'en général ça se fait comme ça, une semaine de batterie, une semaine de basse, une semaine de clavier. On a décidé de se réunir tous et de faire un album de groupe. Son de groupe. Voici le titre Nos limites de l'album Ce que je sais, l'album de la semaine, avec un texte de Didier Golmanas. Les filles me disaient oui. Les banques aussi, la vie me souriait, la mort aussi. Je roulais chaque jour plus vite que mon ange gardien ne vole. Lui et moi aujourd'hui, on est quitte, on connaît nos limites. Vertu de tous nos vies. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Retrouvons à nouveau Johnny Hallyday lors des répétitions au Zénith en 1998. Avec ce titre, L'envie. Me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Puis qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme un an pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses, il y avait appris qu'il faut l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Que me donne l'envie. On me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence comme face des discours. Et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. On me donne la nuit pour que j'aime le jour. On me donne le jour pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie, et oublié les rêves et les merci. Toutes les choses, il avait appris, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Pour la répétition du Stade de France 1998. Nous allons retrouver à présent Johnny et Pascal Obispo dans les studios d'enregistrement de l'album Ce que je sais. Bonjour, je m'appelle Pascal Obispo. Je produis l'album de Johnny. Ce jour-là, Johnny tient une forme d'enfer. Il lui suffit de quelques minutes pour se chauffer la voix et c'est parti pour une séance mémorable. Enfin sa croix. vous écouter. Le chemin et l'on se passe sur ces décombres comme des soleils jusqu'à la fin. Oh, Toi, t'es sensible à certaines choses, moi à d'autres. Ouais. Moi, j'aime, je suis sensible à. Hello. Moi, c'est la fin. Et moi, c'est. Oui, c'est le. Ouais, je vois. Non. Non. On peut le réécouter comme ça pour le plaisir de jusqu'à la fin. Moi, c'est celui-là qu'il faut garder. Ouais. Il est parfait, là. Hier d'amour ou chasseur d'ombre, le temps ne prend qu'un seul chemin. Et l'on se bat sur ces décombres comme des soleils jusqu'à la fin. Recherche tous Eldorado. Okay. Ouais, t'as raison, c'est bien. Les deux phrases sont bien. Ouais. La mienne et la tienne. Franche. Regarde le vitesse. Bon, la mienne et la tienne sont bien. D'accord. Bon, c'est puisque tu l'as voulu, je vais me mettre en t-shirt. J'ai chaud. Alors, on y va. Je vais finir par l'aimer, cette chanson. Je me casse. Allez, salut, hein. Tu finis ton album. Moi, je vais rentrer dormir. Je chercherai le temps qu'il faut. Je trouverai l'Eldorado. On prend après l'Eldorado ? Ouais. Je trouverai. J'aurai l'amour, on l'a. Hein. J'aurai l'amour, il est super. D'accord. 18. Bon, maintenant, je peux te refaire sur notre piste le début. D'accord, ok. Je voulais assurer ça. Ok, ça, c'est super. Je pense que c'est bien de monter là, étant donné que la phrase d'après monte. Toi, je veux dire. Pas de problème, ça, c'est mieux. J'ai fait un Citroën à la fin, oui, oui. Qui est le seul bien parce que c'est long hein, comme de ouais. À chaque fin de séance, donc je noircis. Voilà. Donc ici nous avons l'Eldorado, c'est fait. Donc nous noircissons. Et nous n'y reviendrons plus. Ce n'est pas l'Eldorado qu'on écoute tout de suite, c'est mis le titre Debout. Extrait de l'album de la semaine, Ce que je sais. Debout dans la cour d'école, quand on grandit avec les loups, je n'ai jamais courbé le cou, ni même touché du front le sol. Si de ma vie j'ai écarté tous ces perdants au garde à vous, moi je me suis battu pour mes idées, mais personne ne m'a vu à genoux. Oh, debout, j'aurai toujours vécu debout. Malgré les insultes et les coups, sans tout comprendre, je l'avoue, mais j'ai toujours vécu debout, et je le resterai jusqu'au bout, et debout. Bien sûr, j'ai aimé l'amour, je l'ai libéré de sa cage, et j'ai gagné en douleur et en courage. J'ai aimé comme un sourd, et chaque fois un peu plus grand, mon cœur se lève et j'oublie tout. Je n'ai que le droit d'être vivant et d'être un homme avant tout. Oh, debout, j'aurai tout. coup, sans tout comprendre, je l'avoue, mais j'ai toujours vécu debout, et je le resterai jusqu'au bout, oui, debout. J'ai grandi avec les loups, j'en ai gardé des marques au cou, même si aujourd'hui j'en rigole, quand on n'a plus rien à prouver, peu importe qui est derrière vous, une seule personne m'a aimé, et c'est pour elle que je suis resté. D'honneur de cette émission après Gabriel, qui est un des standards incontournables. Debout, un extrait du dernier disque de Johnny. Les auteurs de cette chanson connaissent bien ton parcours. Debout, j'ai toujours vécu debout, malgré les insultes et les coups. On les oublie finalement, les coups. Ce sont des vieux clichés, ça. Oui, mais enfin, quand même, t'en as pris. T'as même écrit une chanson, t'as chanté les coups d'ailleurs, dans ta carrière. Quand il vous arrive, les coups. T'en as pris beaucoup. Quand on fait se buter, je crois qu'on prend des coups, c'est vrai. Est-ce qu'on les oublie? Parce que les insultes, on a eu aussi dans la carrière. Oui, on les oublie pas vraiment, on n'oublie pas les coups qu'on a pris, mais... On avance. Quand on prend des coups, c'est que quelque chose ne va pas. Donc si quelque chose ne va pas, pourquoi? Alors on réfléchit, il y a toujours un pourquoi de quelque chose. Donc on travaille beaucoup, on change certaines choses, on gomme des choses pas bien, et puis on essaye d'en prendre moins la fois d'après. Tu te souviens ce qu'on disait de toi quand t'as fait l'Alhambra? Qu'est-ce qu'on disait? On a dit, c'est le chanteur d'un été. Chanteur d'un été? Oui. Et ça fait quelques étés que je suis là. Quelques étés, oui. Est-ce que tu revois de temps en temps ceux, finalement, qui, s'ils sont encore là, qui se sont trompés à ce point? Non, j'y fais pas attention. Et puis pour moi, c'est pas très important. Ce qu'on marque, dans la presse, j'y attache pas beaucoup d'importance parce que c'est... un critique est un critique, c'est une personne. Quand on vient me voir, ils sont plusieurs milliers. Et s'ils viennent me voir, c'est qu'ils m'aiment bien. Et s'ils reviennent me voir, c'est qu'ils ont bien aimé ce que je leur donne. Alors justement, puisque le public c'est le plus important, là tu vas le voir comme tu l'as jamais vu, puisque le 4, 5 et 6 septembre, au Stade de France, après la Coupe du Monde, tu vas être le premier artiste européen à remplir 3 soirs de suite. Est-ce que tu vas aller voir ces 85 000 personnes? Ou est-ce qu'on est dans le brouillard parce que 85 000 personnes? Bien sûr qu'on les sent. Tu sais, une foule, ça se sent. Même ceux qu'on ne voit pas, qui sont tout au bout des gradins, on les voit pas distinctement comme les gens qu'on voit au premier rang, mais on sent leur présence, on sent qu'ils sont là, et on sent la masse. Puis c'est vrai que moi, j'ai toujours l'habitude... De m'approcher au bord de la scène et de toujours regarder. Quand je chante une chanson, je regarde toujours les gens qui sont, jusqu'au moment où je peux les voir distinctement, les gens qui sont prêts. J'aime bien chanter les chansons pour les gens, j'aime bien les regarder dans les yeux. J'aime bien les rapports directs. Alors, tu n'est-ce sais, pas, mon cher Michel? Je sais bien, mais je sais. Ce que je dois dire, c'est que le Stade de France est tellement bien conçu, c'est que tout au bout, tout en haut, le dernier strapontin tout en haut, il est conçu d'une telle façon qu'on plonge sur le Stade de France et on voit très bien. J'ai un écran tellement géant sur scène que ceux qui me voient pas bien dans une chanson nostalgique ou une chanson d'amour peuvent me voir sur le grand écran. Voilà, Johnny, après Ronaldo, après Zidane, après Djorkaeff au mois de juin. Je veux rajouter quelque chose quand même, c'est que je vous en parle pas. Mon entrée sur scène, mais il y est pour quelque chose, vous le verrez. Oui, je croise les doigts car c'est très compliqué. Il est responsable de mon entrée sur scène. S'il n'arrive pas en temps en heure, ce sera de ma faute. Enfin, vous comprenez pourquoi. Le 4, 5, 6 septembre au stade. Merci infiniment et je te verrai cet été. Je viendrai te surveiller et je te félicite. On a du boulot sur la planche. Oui, et surtout, je te félicite pour ton état de forme car tu as vraiment 10 ans de moins. Il faudra que tu nous donnes le secret. C'était Johnny. Ciao. Johnny présent dans l'émission Faites la fête, présenté par Michel Drucker, c'était le 2 mai 1998. Et à présent, on retourne dans le studio d'enregistrement qui était le studio Plus XXX Atlético et aussi le studio Guillaume Tell. Et les cordes symphoniques sont omniprésentes sur cet album-là, l'album de la semaine, Ce que je sais. Good. Autre étape essentielle, un très grand moment dans la création de ce nouvel album, l'enregistrement des cordes, violon, violoncelle, alto et contrebasse. Ils sont une trentaine crédités sur la pochette de Ce que je sais, donnant à certains morceaux une dimension, une ampleur magnifique. Regardez, c'est magique. Là, on va écouter. On y va, on fait de lecture. On va écouter maintenant les cordes qui figurent sur ce titre suivant. Que ma âme repose en paix. Extrait album de la semaine, Ce que je sais. Elle était belle, elle était bleue. Sûre qu'elle n'aurait pas froid aux yeux. Dans mes traversées du désert, elle mangerait la terre. Elle m'a regardé dans ses rétros. C'était bien plus fort que des mots. J'ai dit, si je pars sans elle de Los Angeles, que les anges me laissent. sont entrés. Repose en paix. Sur le Pacific Coast Highway, derrière nous les sirènes hurlaient. Et quand les flics nous arrêtaient, je leur parlais français, ouais. C'était mon Amérique à moi, elle m'entraînait où j'entrais pas. Elle ressortait par où je sais pas, mais toujours avec moi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Day en live dans l'émission télévisée La Fureur de Bercy. C'était le 20 juin 98. Johnny interprétait Gabriel. Et allumez le feu. Oui, Gabriel. Tu voulais le monde. Viens comme un effort, car dans tes mains je meurs chaque soir. Là je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie ne plus m'essouffler sous tes cris. Aussi tu prélances notre climat. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Pour le champ, à celui qui me m'embrasse. Ils ont le chêne sur moi le jour, c'était ma belle portade de l'amour. Brrr, j'ai refusé. Oui, Gabriel, tu flottes dans mon cœur cette illusion de douceur. Et tu sens. Oui, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu tâches mon sang. Moi je veux t'expliquer, tu confonds et le jour et la nuit. Moi je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire? Je ne serai plus l'esclave de ta chérie. Bonne chance à celui qui veut ma place. Revisons le ciel, sans pas le jour, c'était la même. À la Fureur de Bercy le 20 juin 1998. À présent, on va retrouver Johnny Hallyday, Pascal Obispo et Florent Pagny en studio. Retour à Paris et à la fabrication de l'album Ce que je sais, avec cette fois l'arrivée de Johnny au studio Mega où se déroule le mixage. Il y retrouve son pote Florent Pagny, venu lui rendre une visite amicale. Yeah. Mais moi je vois que t'es arrivé au moustache quand même. Combien de fois tu m'as fait, mais rase-toi. Bah, tu vois, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est ce que j'arrête pas de dire sans arrêt parce que je cherche tout le temps d'avis. Et alors, ça va bien? Ouais, très bien mon pote. C'est bien moi. Tu recommences à cartonner là. On a remis la machine en route. Ouais. On s'est bien associé, tout va bien. Non, c'est le bon plan. Bon, quand est-ce qu'on le fait ce trio? Mais écoute, t'as la chanson? Ben oui, ouais, ils veulent nous faire écouter une chanson à chanter à trois. Mais pour un truc de ouf. Ouais, si on chantait la chanson de la Coupe du Monde à trois. Alors que tu chantes fort, hein. Ouais, je sais. Ou alors qu'il joue vraiment du piano parce que. Tout à l'heure, il nous a fait un truc. Je suis débutant, vous êtes des professionnels. Et oui, c'est comme ça. C'est bientôt. Faut être complémentaire. Hein. Bon, si vous mettez tous des lunettes, je vais mettre les miennes. Mets ta lunette. Un soir j'ai vu une fille qui avait les cheveux si clairs que j'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. Mais les cheveux de cette fille, si blonds, si clairs, si transparents, me redonnèrent cette fraîcheur que connaissent seuls les enfants. Je suis descendu sur le quai. Elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé. Près d'un fleuve sauvage et rapide, nous avons ensemble dormi. Et je crois bien l'avoir aimé au bout de la première nuit. Si vous prenez parfois le train, surveillez les quais désertés. Quelque part il y a cette fille, elle ressemble. Je l'ai quitté un matin conserver son image. Je voudrais repousser l'hiver, mais le temps tuera son visage. Je voudrais repousser l'hiver, mais tu sais, le temps tuera son visage. Écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Vous écoutez l'émission Johnny de A à Z et à l'instant La fille aux cheveux clairs, la chanson surprise de ce Stade de France 1998. À présent, nous allons retrouver Johnny dans l'émission de Laurent Boyer, Fréquence Star, parlant de son duo avec Pascal Obispo. Johnny, il y a le nouvel album est réalisé par Pascal Obispo. Et toi, tu l'as fait chanter, il chante avec toi sur ce disque. Oui, je lui ai demandé, il voulait pas au début, c'était pas prévu. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même, c'est dommage, on est quand même deux chanteurs avant tout, faisons un duo ensemble. Alors il a écrit une chanson et on a fini par faire un duo ensemble. Lui, il a chanté un peu plus fort que d'habitude et moi un peu moins fort, mais et finalement nos voix s'accordent très bien. Même voyage pour toi et moi. se dire ou bien se taire. On n'est pas prêt d'oublier cette journée de folie qui a présidé au lancement de l'album Ce que je sais. Nous sommes le samedi 24 janvier 1998. Pour faire la promotion de son nouveau disque, l'artiste a décidé de s'amuser un peu avec son public. Pour l'occasion, sa maison de disques s'est associée avec la chaîne de magasins Virgin Megastore. Demain signe le son retour, proclame les publicités. Le rocker a rendez-vous avec ses fans à Marseille à 11h, Bordeaux à 14h30, et j'y étais, et Paris à 19h. Trois séances de dédicaces, ce qui veut dire trois vols pour traverser la France et surtout trois magnifiques embouteillages provoqués par des foules spontanément venues l'acclamer, le voir et si possible lui parler. À l'arrivée, comme on s'en doute, tiraillement, bousculade, piétinement, hurlement, le tout dans la bonne humeur, même si sur les Champs-Élysées, on n'est pas loin de l'émeute. Patient, souriant, le visage barré par des lunettes noires, le rocker se prête au jeu. Les foules un peu folles, il en a l'habitude. Pour ce qui est de Bordeaux, le quotidien Sud-Ouest raconte, il est 13h sur la piste de l'aéroport de Mérignac. La star arrive de Marseille. Johnny est conduit dans une Mercedes. Le cortège entraîne des gardes du corps qui découragent les chasseurs d'autographes. La peau bronzée, Johnny ne porte que du noir et à l'arrivée du Virgin, la foule hypnotisée cherche à l'approcher. Des fans ont passé la nuit dans des sacs de couchage. À l'intérieur, les mains se lèvent. Le public scande son nom et chante aussi un temps « Allumez le feu ». Le magnétisme fonctionne. Johnny sourit aux filles qui en profitent. Des mots s'échangent. Certains en pleurent de joie. Journée presque ordinaire dans la vie du chanteur. On écoute Johnny remercier le public qui était venu nombreux au Virgin Megastore des Champs-Élysées à Paris. Merci à tous. J'ai beaucoup de chance parce que vous êtes un public extraordinaire. Merci pour l'amour que vous me donnez tous les jours. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci d'être venu. Bonsoir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Extrait de ce Stade de France, le 11 septembre 1998. Voici Diego, libre dans sa tête. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny A.D. dans l'émission Johnny de A à Z. Il pensait si fort. feu. Et des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Et son philharmonique au Stade de France. On a pu parler pour Johnny Hallyday d'albums de rupture à certaines occasions. Celui-là, l'album Ce que je sais, est l'album du grand tournant. Plus jamais l'artiste ne sera comme avant, une fois qu'il aura enregistré. La cinquantaine est venue, l'an 2000 frappe à la porte et déjà la pochette montre de nouvelles directions. Ce portrait splendide et très classe tourne la page d'un certain look rocker, d'un certain look biker. Ici, l'idole est dans des vêtements sobres et le fond est bleu. Le lettrage de son nom s'étale en blanc. Couleur froide, visage rêveur, apparition d'une moustache et d'un bouc, Johnny n'est plus le même et pourtant la star est toujours aussi flamboyante. Le disque est composé de 14 chansons, Pascal Obispo a participé à la composition de l'ensemble et il s'est vraiment investi corps et âme dans le projet. Une première cassette est soumise au rocker, jugée trop douce, elle retourne à l'envoyeur. La deuxième sort à la bonne. Et au final, Obispo a surtout intensément travaillé la production. Le son à l'idée qu'il a mis au point pour ce disque est une rare sophistication. Cordes omniprésentes, guitare toujours très pertinente et très soucieuse de marquer l'ensemble d'une couleur pop anglaise extraordinairement actuelle. Le tout sonne net et carré, très à l'avant-garde de la variété rock française. On a l'impression que l'équipe a eu un souci qui a primé sur tous les autres. Le son, le son, le son. Voici Les Moulins à Vent en exemple. Et tous les jours sont pareils, à part qu'il y a de moins en moins de soleil, de moins en moins de soleil. Et tu me regardes plus comme avant. Prochaine faïence, peut-être qu'on s'habitue, mais ce sont des silences, oh les silences qui tuent. Si je te dis plus rien, dis-le Avec la guitare, les guitares du moins de Pierre Giaconelli. Le 19 janvier 1998, Johnny est présent dans l'émission de Canal+, Nulle part ailleurs, présentée par Guillaume Durand. Et en surprise, on y retrouve Jean-François Stévenin. Merci en tout cas d'être venu. Alors, on va démarrer avec Alexandre parce que je sais que comme vous revenez de la mer... Si tu commences à me dire vous... Oui, d'accord. On fasse faire foutre de notre gueule. D'accord. Alors, puisque tu reviens... Non, mais tu as quand même été mon témoin de mariage. On se connaît quand même depuis un paquet d'années maintenant. Alors, passons pour des gens intelligents, pour une fois. Et dis-moi tu. D'accord. Bon. Donc, il y a un moment où j'ai cru que tu allais, je pense beaucoup de gens, rester sur le bateau à l'extérieur de la France. Et finalement, qu'une certaine lassitude s'était emparée de toi. C'est vrai ou pas ça ? Non, j'avais très envie de refaire de la musique, surtout tout simplement. Mmh. J'avais envie de préparer mon spectacle du Stade de France. J'avais envie de refaire un nouvel album. Maintenant, moi, je ne suis qu'un interprète. Il n'y avait pas d'auteur. Je n'avais pas de compositeur. Et nous sommes rencontrés Pascal Obispo et moi. Pour quelqu'un comme moi qui suis un interprète, c'est de plus en plus difficile de trouver des bons auteurs-compositeurs. Mmh. Mais il y en a quand même quelques-uns. Mmh. La preuve, j'ai trouvé Pascal Obispo. Mmh. Mais là, il y a quelque chose dans l'album, on va en parler. Il y a quand même un parti pris qui est assez étonnant, c'est celui des cordes. On a plutôt l'habitude de voir Hallyday avec des guitares électriques et pas avec des violons. J'ai trouvé que c'était un disque qui sortait de l'ordinaire. C'est un petit peu une musique et des mots d'amour que je donne aux gens qui m'aiment et que j'aurais beaucoup de plaisir à chanter sur scène. Si je n'ai pas vécu mes excès, si je n'ai rien à dire aux gens, je ne peux pas ressentir dans des chansons, donner des émotions à quelqu'un si j'ai pas connu l'amour, si j'ai pas connu le désespoir, si j'ai pas connu la solitude, si j'ai pas connu la joie. Tout ça fait que les Français m'aiment bien, je pense, parce que maintenant, ça fait 37 ans que je suis là et que je fais un petit peu partie de leur vie, dans la vie de tous les jours. Mais si, à travers eux, ils ont vécu un petit peu par procuration par rapport à moi. C'est-à-dire, si moi j'avais pas fait tout ça, toute ma vie, mais avec mes fantasmes, mes folies, ils n'auraient pas pu vivre à travers moi. Merci d'accueillir, de faire un triomphe à Pascal Obispo. Et quand on fait un album comme ça et qu'on sait qu'il va faire le Stade de France et qu'il faut donc... Comment on fabrique l'album pour qu'il y ait à la fois le mélange d'émotions et puis des titres qui font bouger 100 000 personnes, parce qu'il faut pas se gourer. Quand on s'est rencontrés à New York, on s'était rencontrés dans le but de faire cet album ensemble et avec il avait déjà écrit des chansons pour moi, des chansons tendres, enfin des chansons qui font partie de l'album, et dont Eldorado et j'en passe. Et il était en tournée, donc il faut quand même se dire qu'il a pris un avion pour me rejoindre, pour passer une soirée avec moi, me montrer des chansons, qu'on discute un petit peu des chansons, et ensuite le lendemain matin, à 8h du matin, il repartait pour chanter le soir. Donc ça, il faut quand même le faire. Et dans l'avion, il s'appelle de l'avion, et je lui dis, écoute, c'est formidable que tu m'appelles, parce qu'on a oublié de dire, de parler d'une chose, c'est que mon spectacle va s'appeler Johnny vous met le feu. Il dit, pourquoi on ne ferait pas une chanson qui serait une chanson d'entrée sur scène qui s'appelle Allumer le feu, Il dit, écoute, c'est marrant, parce que je t'appelle parce que j'y pensais moi aussi dans l'avion. Alors j'ai appelé Zazie, j'étais entre deux concerts, et puis je lui dis, voilà, fais-moi une chanson pour l'ouverture du Stade de France, et puis le lendemain, c'était fait. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Johnny? Qu'est-ce qu'il représente? C'est difficile de la Tour Eiffel. Ah mais tourne-toi, La Tour Eiffel, oui. C'est bien la Tour Eiffel, non? Ben, ouais. Je sais pas, c'est le plus grand chanteur de rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en studio, quand la première fois il est passé derrière le micro, à la première seconde, j'ai compris tout de suite que j'étais avec le plus grand, et donc avec Johnny Hallyday, tout simplement. Une seconde. Alors, allez-y. C'est que les hommes politiques, autant ils sont vrais dans les guignols, okay. Autant Johnny, il est vrai quand il est là. Bah écoute, en tout cas, c'est bien ici, on peut s'exprimer. D'accord. Ici, et c'est bien que tu te sois exprimé. Okay. Et je respecte ton c'est sympa, mais je vais dire que comme je profite de l'occasion, parce que les guignols, sauf quand ils font Johnny. C'est sympa. Alors, je vais être très sympa. Rassurez-vous, Canal reste la chaîne des dingues qui s'amusent tous les soirs. Merci mille fois, Johnny, d'être venu. Merci, Pascal, de nous avoir accompagnés. C'est un triomphe à tous les deux. Mais alors, mais dis donc, tu deviens de plus en plus d'argent. Comment tu vas? Ça va? Super. Ah, tu m'as fait rire, je vois dans les yeux. Comment tu vas? Bien. Ça va bien? Bien, sauf que je te vois pas assez souvent. Un an et demi. Johnny Hallyday avec Jean-François Steven à la fin de ce document sonore. Et rappelons aussi les auteurs de l'album Ce que je sais. Il y a Didier Golmana, il y a aussi Lionel Florence, Zazie et Patrick Guillaraud. On sait que l'album Ce que je sais sera une excellente vente, 600 000 exemplaires vendus, et à l'évidence, les fans comme le grand public sont attirés par ce Johnny nouveau qui, une fois encore, met tout sur le tapis, change de visage, change de style, sans jamais se perdre ou s'affaiblir, au contraire. Même la presse salue la performance. L'album Ce que je sais, écrit l'Express, colle à la peau, à la voix et aux émotions de Johnny. Tour à tour déchaîné, écorché, enragé, douloureux, fiévreux, torturé. Les riffs de guitare plus rock'n'roll que jamais répondent au trémolo des violons et Hallyday interpelle le temps qui passe, hurle son credo, pique une colère et prévient électrique « Je veux la foule en délire ». Tel un lion, un loup, un aigle. Irremplaçable vous êtes, cher Johnny. C'est exactement l'impression qui prévaut en 1998 dans les foyers de France où l'on écoute les notes fragiles et les accords vengeurs de Ce que je sais. Voici le titre « Chacun cherche son cœur », extrait de l'album de la semaine « Ce que je sais », sorti le 24 janvier 1998. chacun cherche son cœur. Pour une vie, pour une heure. Trouver le pas du danseur, toujours plus haut, toujours ailleurs. Oui, chacun cherche son cœur. Chacun cherche son cœur avec les poings du boxeur. Là pour donner le meilleur et toujours plus près, toujours preneur. Chacun cherche la lumière. Oui, cherche la lueur. Cherche l'âme sœur. Comme dans les récits de Henri Miller. Chacun cherche son cœur, le décide au marqueur. Peu importe la couleur, toujours plus belle, toujours plusieurs, et chacun fait de son cœur un peu de douceur. L'amour, c'est le moteur. Et toujours plus fort, toujours porteur. Chacun cherche la lumière. Il cherche la lueur. Oh, oh, oh. Cherche l'âme sœur. Comme dans les récits de Henri Miller. Chacun cherche l'erreur dans ce monde de douleur. Chacun sa balle en plein cœur, sa balle en plein cœur. Cherche son cœur. Et pour une vie, pour une heure. Chacun cherche son cœur. Oui, chacun cherche son cœur. Les dates du Stade de France approchent. On retrouve John Hallyday au journal télévisé de 13h sur TF1 le 20 août 1998. On le voit répéter à Los Angeles pour ses concerts. C'est des répétitions avec des musiciens américains triés sur le volet en présence de Sylvie et David. J'y mets mes larmes, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. L'objectif, c'est le Stade de France. Trois concerts exceptionnels avec des invités. Il y a Florent Pagny qui va venir, il y a Jean-Jacques Goldman, il y a Zucchero, il y a Patrick Bruel, et puis je ne sais pas, j'en oublie. Et oui, il doit encore citer Lara Fabian et Lionel Richie. Johnny donne 3 rendez-vous chaque fois devant 80 000 personnes. Un événement qui a demandé 1 an et demi de préparation. Et ce sont les derniers jours qui sont les plus difficiles. Nous allons rentrer dans le stade le 24 août. Voyez-vous ? Et nous devons faire les balances de son le 1er septembre. Ça fait à peine une semaine pour monter une usine pareille qui est une usine, enfin, je peux vous donner le budget de la scène, elle représente également 5,5 millions, le RIC, le budget de la scène. Condamné à la surenchère, Johnny Hallyday a décidé de réarranger ses chansons. En plus de son groupe, un orchestre symphonique de 80 musiciens accompagnera notre rocker national. À présent, un autre document, un extrait de l'émission Envoyé spécial sur France 2, sur Johnny Hallyday au Stade de France. On va retrouver dans ce document Camus, hein, Jean-Claude Camus, Pascal Nègre, et des extraits des répétitions au Zénith, ainsi qu'une interview de Johnny Hallyday. Et cette fois, l'enjeu est presque pharaonique. La scène en construction aura une surface de 3500 mètres carrés, 120 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur. Elle pèsera, tout compris, près de 300 tonnes. Sur ce projet qui semble démesuré, 1000 personnes auront été mobilisées et sur le chantier, les équipes de roadies travaillent de jour comme de nuit. Pas trop fatigué ? En tout cas, je suis content, il y a du boulot de fait. Hein. L'avancement entre le matin et le soir, et le soir et le matin, c'est... Le décor est une folie. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se prépare là ? Et donc, il était le premier camion rentre là, chargé, etc. T'as les fenouilles qui arrivent, et pouf, je te prends un paquet ici, je te prends un paquet là. Ils savent dès le départ... Où ils vont. Où ils vont. Ah oui, c'est un méga Lego, quoi. Tu vois, et ça n'a jamais été monté, quand même, tu vois. Ah, et ils savent le premier tube, le deuxième tube, et tout s'emboîte, tu vois, c'est... Ça me fascine, ça. Ah, parce qu'ils l'ont jamais monté avant. Non. Parce que le parc, tu l'avais le pont. Le pont, j'avais monté le dans l'Est, sur un terrain militaire. Et là, on a rien monté. Rien. Le chantier progresse et les répétitions s'enchaînent. Pour qu'elles soient confortables, Jean-Claude Camus a loué tout le Zénith pendant une semaine. Vous savez, avant de faire du rock'n'roll, peu de gens le savent, mais j'étais guitariste classique. Je n'étais pas guitariste de rock'n'roll du tout. J'ai fait 4 années de solfège avec José de Aspiaju à Genève. Mes parents adoptifs voulaient que je sois guitariste classique. Et puis bon, un jour je suis tombé sur l'emprise du charme d'Elvis Presley, du rock'n'roll, et puis donc j'ai troqué ma guitare classique pour une guitare électrique. C'est un hasard, je ne devais pas du tout être dans le rock'n'roll. Quels sont vos compositeurs classiques préférés ? Écoutez, moi, ce que j'écoutais toujours, moi, ce que j'adore comme style, moi, j'aime bien un petit peu ce qui est pesant, ce qui est un peu lourd. Moi, j'écoutais beaucoup Carmina Burana de Karloff, par exemple. C'était une chanson surtout le soir des insomnies, quand j'arrivais pas à dormir, je mettais ça à fond, je réveillais tout l'immeuble, qui finalement appelait les flics, qui descendaient chez moi en disant, monsieur Hallyday, vous savez, vous êtes trop fort, il est quand même 4h du matin, vous devriez laisser les pauvres gens dormir. J'ai dit, bon, excusez-moi, bon. On découvre aujourd'hui un Johnny Hallyday réconcilié avec lui-même, mieux dans sa peau, fumant le cigare. On a l'impression que vous arrivez à une grande maturité. Disons que je fais mon métier d'une façon beaucoup plus sereine qu'avant. Je prends le temps de faire les choses, je prends le temps d'y réfléchir. Je ne fais moins les choses à la dernière minute comme j'avais l'habitude de le faire. Sans doute que c'était une question d'âge. Je crois que j'aime pas le mot vieillir, alors plutôt quand on grandit, on apprend à être plus raisonnable, plus réfléchi. Vous portez autour du cou un collier avec un petit diablotin. L'autre jour, vous avez dit que c'était parce que vous aimiez bien parler avec le diable. C'était une boutade? C'était une boutade ou... Non, pas du tout. C'est-à-dire? Non, pourquoi? Je converse avec le diable tous les jours. Et si vous parlez avec le diable, vous parlez avec Dieu aussi ou... Je parle avec Dieu, bien sûr que je crois à Dieu. Vous êtes croyant? Je suis croyant, oui, mais bien sûr, je crois à Dieu, évidemment. C'est vrai, mais souvent, quand quelque chose de grave arrive à un de mes proches, c'est vrai que je ne vais pas jusqu'à faire une prière, mais je supplie le bon Dieu pour que ça se passe bien. Votre mot préféré? Mon mot préféré? Rester libre. Et celui que vous détestez le plus? Obligation. France 2, pour son JT, recueille les impressions de Johnny Hallyday sur son entrée en concert, son entrée de scène, accompagné de Michel Drucker à quelques jours du jour J. C'est en effet, cher Claude Sérillon, une grande première que les spectateurs du Stade de France vont vivre vendredi, samedi et dimanche soir entre 20h30 et 20h45. Johnny ne fait pas les choses comme tout le monde, le lieu est magique, il est mythique, c'est le stade des champions du monde. Je n'étais que le modeste artisan de cette arrivée. Johnny, il y a quelques mois, tu tenais vraiment arrivé par la voie des airs. Maintenant, tu peux plus reculer. Comment tu te sens? C'est une répétition. Va. Non, mais ça va, tout va bien. Oui. Oui, oui, tout va bien. J'ai toujours aimé les émotions fortes, donc je suis servi. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage. Toutes tes entrées dans tes spectacles ont été à chaque fois très différentes. Il y a eu une main, il y a eu beaucoup J'ai toujours essayé de choisir mes entrées et puis mes sorties. C'est sur les conseils d'ailleurs, quand j'étais môme, de ce que m'avait dit Maurice Chevalier. Il m'a dit, bon, il m'appelait le môme. Alors il me disait, môme, soigne tes entrées, soigne tes sorties, au milieu, et ben, fais ton métier. Toute préparation, c'est quand même des mois et des mois de préparation pour 3 jours, et puis finalement ça arrive très vite et puis ça passe très vite. Oui. Alors c'est vrai que c'est une double concentration parce que c'est quand même une épreuve d'arriver au-dessus d'un stade en hélico, et après il faut chanter pendant 2h30. Ouais. Oui, même je dirais même un peu plus longtemps que 2h30, mais bah oui, bah écoute, après ça devient un plaisir, hein, de chanter de toute façon. Et rappelons que Johnny Hallyday avait le vertige, voilà. Et le 1er septembre 1998, Johnny entre dans l'arène. Mardi 1er septembre, les délais ont été parfaitement tenus. La scène est quasiment terminée. Pour la première fois, Johnny Hallyday visite le chantier. Problème, hein ? Il tarde à regarder de face la scène immense. Le trac déjà, devant l'ampleur du challenge, il s'est fixé. Là tu vois vraiment le décor tel que tu vas voir en bord des gens de la pelouse. Il y a deux là-bas. Premiers accords de guitare, arrivée de la célèbre Harley, réglage de la sono, une sono de 500 000 watts, essai des effets spéciaux et des secrets de mise en scène. Tout roule à la perfection. Le lendemain, grande répétition générale, ce que l'on appelle le filage, sans le moindre incident. Yeah. Le 3 septembre 1998, Johnny est en duplex dans le JT de France 2 de 20h avec des images des répétitions. En début de semaine, Johnny Hallyday s'est isolé. Concentration sur le répertoire des trois concerts, leur jeu de scène complexe et les costumes. C'est seulement maintenant que le chanteur se familiarise avec un environnement hors du commun, le Stade de France. Ici se déroulera son plus grand spectacle à ce jour. Un an et demi de préparation, la scène, encastrée dans les tribunes, est aussi vaste que le palais Omnisport de Paris-Bercy tout entier. Johnny reprendra des succès tirés de l'ensemble de sa carrière. Beaucoup d'électricité, mais aussi une partie acoustique. Et autour de l'idole, un groupe made in Los Angeles, plus un orchestre symphonique et une multitude de choristes. Et puis, quelques cerises sur le gâteau. Des duos avec entre autres Lara Fabian, Lionel Richie, Patrick Bruel, Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman. Une seule inconnue, l'entrée sur scène. On envisage plusieurs options. Ce sera peut-être une arrivée par hélicoptère. Avec nous maintenant au Stade de France, Johnny Hallyday. Johnny, bonsoir. Qu'est-ce que vous faites en moto d'abord ? Ah ben ça, c'est une moto que j'ai customisée il y a 2 ans. C'est une Harley Davidson 1340 que j'offre à un de mes fans suite à un concours qui a eu lieu à la fin des 3 concerts du Stade de France. Mais c'est pas en moto que vous allez arriver, c'est en hélicoptère. Ce n'est pas en moto, c'est peut-être pas encore en hélicoptère. Ah. Je ne sais. Ça, vous savez, c'est un petit peu en suspens mon arrivée. Hein. C'est dû à des problèmes de sécurité ou c'est pour faire monter le suspense? Bon, j'aime bien laisser planer un petit peu le doute. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle de la démesure? Bon, il y a le Johnny Hallyday qu'on connaît, ses chansons, là j'ai cru entendre que je t'aime en fond sonore. Il y a aussi une scène et quelque chose de très très très visuel surtout. Ben, j'ai voulu un spectacle complètement visuel, j'ai voulu beaucoup de démesure, c'est vrai. Je pense que quand on fait un Stade de France, surtout après la victoire que nous avons eue, nous sommes obligés de faire un petit peu du grandiose et je pense que mon producteur Jean-Claude Camus et moi nous n'avons lésiné sur rien. Je pense que ça va faire plaisir au public. Alors le public, on a dit, ça va faire quelque chose comme 240 000, 250 000 personnes. Il y a également beaucoup de gens qui ont participé à l'élaboration de ce show. Il y a combien de personnes? Bon, déjà il y a aux alentours de 1000 personnes qui travaillent sur ce spectacle, avec, en comptant les techniciens, ceux qui montent, qui démontent, etc., les gens qui font les lumières, plus la sécurité. Plus tous les effets spéciaux qu'il y a dans ce spectacle. Et plus, évidemment, les artistes, mes amis, qui ont bien voulu venir participer avec moi dans ce spectacle, dont Lara Fabian, Jean-Jacques Goldman, Pascal Obispo, Lionel Richie... Florent Pagny. Florent Pagny, bien sûr, oui. Patrick Bruel, peut-être. Et Patrick Bruel, bien sûr, oui. Bon, eh bien, écoutez, on est à l'affût et puis on vous attend. On vous souhaite surtout une très grande répétition parce que ça continue pour vous. Ah ben ce soir, on va travailler une bonne partie de la nuit pour mettre tout au point. On n'a pas eu de chance hier, il a plu, alors on a pris du retard sur le son, mais on va se rattraper ce soir. Merci beaucoup, Johnny, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, à demain. Merci. Soir. À demain, alors. Au revoir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Les nuages sont déjà là, et c'est pas fini. Extrait du Stade de France 98, voici Rock'n'Roll Man. Il est entré sur la scène de ma vie, dans le soleil d'un projecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui tormait dans mon cœur. Je suis un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. Je le savais, je le sentais. Je suis un rock'n'roll man. Rock, rock, rock, rock, rock. On l'appelait le king of rock'n'roll. Il était devenu une idole. Quand il chantait, la foule criait son nom. Et les filles devenaient folles. C'était un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. C'était un rock'n'roll man. Rock'n'roll man. fait de ma vie, dans sa vie, une course folle. Je suis un rock and roll man. Je suis un rock and roll man. Et c'est sa vie, et c'est ma vie. Le rock and roll man. Et je veux l'annoncer, car je sens presque ses yeux. Nous sommes à présent le soir du 4 septembre 1998. Voici l'épisode La mort dans l'âme. Et c'est le grand jour, le vendredi 4 septembre. À 17h, les portes s'ouvrent dans la bousculade. Les premiers arrivés courent pour avoir les meilleures places. Jean-Claude Camus affiche un grand sourire, mais ce n'est qu'une apparence. Il sait que la météo est très mauvaise. Il sait aussi qu'il a pris le risque énorme d'une scène immense, impossible à protéger de la pluie. Et plus le temps passe, plus on s'approche de la catastrophe. Impossible de jouer. Mais on est à une heure du début prévu du spectacle, donc là... Oui, sauf que la météo, pour l'instant, elle nous emmène un peu plus loin que ça. Et vous ne pouvez pas ne pas jouer. Quoi? On ne peut pas ne pas jouer. Bah, si, c'est envisagé alors qu'il est. C'est envisagé? Bah, oui, on est en train de prendre tous les cas de catastrophe possibles, là, mais si, c'est envisagé. Avec le PC Police, où on est en train de prendre des dispositions au cas où. Hein. Dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Reporter le concert? Rembourser les gens et reporter? J'arrive pas, je ne sais même pas si je peux reporter. Alors. Parce qu'on se trouve un vendredi soir, on ne peut pas joindre les assureurs anglais, là, etc. Et que si je reporte à lundi, je ne suis pas assuré. Et si on veille, si le concert n'a pas lieu, ça va vous coûter combien? Alors ça coûtera aux assureurs pour la production Jean-Claude Camus 25 millions, c'est-à-dire pour toute la production Hallyday. Il y a d'autres intervenants aussi qui sont assurés, par exemple tout ce qui est merchandising, vente de sandwichs, etc. Ils ne pourront pas faire de chiffre d'affaires escompté, ils demanderont aussi indemniser puisqu'ils sont aussi assurés chez moi. Et ça doit représenter 3-4 millions de plus. Merci. Mauvaise soirée. Dans le stade, la tension monte. Et dans les coulisses, les nerfs commencent à craquer. Laetitia, comment est Johnny en ce moment? Très inquiet. Il est informé des problèmes ou... On attend un peu encore. Alors, il avait dit qu'il était pas, qu'il savait pas ce qui se passait là. Donc pour le moment, il ne sait pas. Donc on attend pour lui dire. Est-ce qu'on peut aller dans cette putain de loge? Non. Vous voulez que je peux pas travailler, moi. Vous voulez le rock? Mais bien sûr qu'on peut. Il y a quand même des choses qu'il faut qu'on voit avec l'artiste maintenant. À 20h30, la décision est prise. Il faut annuler le concert et aller le dire aux 80 000 spectateurs pour un nuage de trop, le producteur risque la faillite. Une fois que le producteur aura annoncé qu'effectivement il y a annulation, parce qu'on part sur une annulation, on explique, je répète, une communication simple mais précise auprès de l'ensemble du public, on évacue avec beaucoup de souplesse et on les rassure que le spectacle aura lieu demain. Quelle horreur, quelle horreur, mais dans quel état ils vont être les gens? Dans le public, déception, colère et incompréhension. Je suis déçu parce que ça aurait dû être Johnny Hallyday qui aurait dû venir et non pas Camus. On vient de Lyon, ouais. On a payé un quart. Alors on voudrait savoir s'il va nous repayer le quart pour revenir la semaine prochaine. Ouais, hein. De Marseille, ben. Ouais. La route de Rennes. C'est quand même 2 ans qu'on attend ce concert, surtout la première. Ah, il nous déçoit, franchement il nous déçoit. On a presque les larmes aux yeux ce soir. Voilà. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas couvert la scène? Et 1000 fois la même question. Attendez, posez-moi la question d'une façon plus détaillée, parce que je crois savoir ce que vous voulez me dire, mais vous êtes en train de me dire pourquoi n'a-t-on pas prévu de quoi abriter la scène de partant de pluie. Au téléphone, son banquier. Voilà, alors est-ce que vous vouliez que nous présentions sur le Stade de France une scène de tournée couverte? Ça veut dire une scène de moitié moins grande, d'accord? Ou est-ce que vous vouliez qu'on ait une scène de 4000 mètres carrés? Je crois qu'il ne faut pas avoir fait de grandes études d'architecte pour savoir que pour couvrir 4000 mètres carrés, c'est pratiquement le toit d'une maison. C'est impossible techniquement à réaliser. Alors c'était un choix de décor, comme on a fait, immense. C'était un risque à prendre, on a pris ce risque, voilà. L'échec est terrible pour tous ceux qui ont travaillé sur ce spectacle, mais chacun reste à sa place, c'est le lendemain. Après une nuit passée à tout remettre en état, les regards se portent vers le ciel et les sourires reviennent. Il a fallu réviser évidemment toutes les installations qui avaient pris l'eau, etc., pour être sûr qu'on n'ait pas de problème ce soir. Pour que ce soit un petit peu plus salé, évidemment, nous avons eu 2-3 averses pour nous dire, attention, vous êtes content, mais ne vous envahissez pas trop. Mais bon, ça y est, et maintenant, nous avons le ciel bleu. Et là, je peux vous dire ce soir, rappelez-vous bien de ce que je vous dis, vous allez voir du grand, du très grand à l'idée, parce que l'autre, c'est un fauve. Je crois que j'ai mis 3 gardes du corps pour pas qu'il sorte de la loge. Quand il va rentrer, il va tous les empoigner. À la minute précise, le grand spectacle est lancé avec tous les effets d'une mise en scène extrêmement travaillé. D'emblée, le public est séduit. Et oui, ce 5 septembre 98, Claire Chazal confirmait bien le concert de Johnny. Donc, on commençait à entendre le début de ce concert. Donc, c'était dans le JT de 20h. Hier soir, les fans ont été déçus puisque le concert a été annulé en raison de la pluie. Il a été reporté à vendredi prochain. Aujourd'hui, le ciel semble un peu plus clair. Voyons ce qu'il en est avec Bernard Gély et Jean-Pierre Mantis. On a croisé les doigts tout l'après-midi car il y avait encore des averses. Mais 80 000 personnes se sont encore déplacées au Stade de France aujourd'hui. Parmi elles, certaines avaient déjà subi l'annulation de la veille, mais leur détermination est inébranlable. Bah, on est venu de Lorient, on a racheté des places du concert d'aujourd'hui. Donc les places d'hier, on va se les faire rembourser. Ça. Bah, à Lorient. Comment est-ce que vous avez fait pour revenir ce soir? On a dormi sur place, dans la voiture. Carrément, dans notre voiture. On a mangé, on a couché dans la voiture, on s'est arrangé. Et on part demain soir. Qu'il pleuve ou qu'il vente, Johnny, lui, de toute façon, est décidé à chanter ce soir, seul s'il le faut. Et il tient à s'expliquer sur la dure décision qu'il a dû prendre hier soir. Avec la meilleure volonté possible, moi je voulais de toute façon chanter, mais alors d'abord la sécurité m'a interdit de monter sur scène. Deuxièmement, on ne pouvait pas avoir les effets sous la pluie. Le grand écran ne marchait pas. Le clou du spectacle, c'était quand même l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, les violons, etc., ne pouvaient pas jouer. Alors ce soir, vous vous sentez dans quel état d'esprit? Ben, ce soir, je suis très fatigué parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai dû dormir 3 heures parce que je suis stressé depuis hier soir, vous en doutez. Mais bon, ben, j'ai la pêche et puis je vais leur donner tout ce que j'ai dans le ventre. Et à 1 heure du concert, alors que la première partie s'achève, le beau temps est revenu. Quand les yeux vont se lever, ce ne sera pas par crainte de la pluie, mais pour voir Johnny arriver avec ses hélicoptères. Voilà, ça sera ce soir donc au Stade de France. Bonsoir, Johnny aime l'inattendu, pas au point tout de même du déluge qui s'est abattu sur le Stade de France, l'obligeant à annuler la première de ses 3 soirées exceptionnelles. Mais Johnny aime aussi la démesure, et dans moins de 5 minutes, il le prouvera, puisque selon le titre de son spectacle, il allumera le feu sur la pelouse du Stade de France, où l'attendent encore 80 000 spectateurs. 20 000 spectateurs qui réclament Johnny depuis près d'une heure, et ils l'auront dans moins de 5 minutes dans une ambiance assez extraordinaire. Au fil des années, avec Johnny, c'est toujours plus. Il entrera, vous allez le voir dans quelques instants encore, en scène de manière particulière. Il s'est offert un décor irréel, 120 mètres de largeur, 30 mètres de hauteur, une route qui conduit jusqu'au cœur de la pelouse, un pont-levis de 18 mètres, un tunnel, un écran géant de 350 mètres carrés. C'est à la fois Alien, le cinquième élément, le film de Besson, et la guerre des étoiles. Pour régler les folies de cette machinerie ahurissante, Johnny a rodé ses chansons et son décor depuis des mois. À Los Angeles, des guitares, le bruit des photos qui démarrent. À Paris, au Zénith, où il a pris le risque 2 fois de suite de répéter en public ses chansons. Je m'attendais à une petite répétition tranquille entre les deux chansons. Pour adoucir cette démesure qui nous entoure, pour la rendre plus chaleureuse, plus humaine, Johnny s'est entouré de 400 choristes et des 80 exécutants de l'Orchestre Symphonique Européen. Johnny chantera une trentaine de ses plus belles chansons, quelques-unes d'entre elles en duo, avec 4 invités prestige, à qui nous irons faire un signe dans leur loge avant qu'ils ne viennent ici sur scène pour entamer leur combat, parce que chanter en duo avec Johnny, c'est un véritable combat. Si, il m'a mis une fois une pige, il faut que je sois honnête, en studio, où il m'a fait la démonstration qu'il y arrivait plus rapidement que moi. Mais ça, personne ne l'a vu, il y a que moi. Et les techniciens étaient là. Michel Berger, bon, n'était pas représenté, et qu'on aime... Enfin, Johnny a travaillé avec lui, moi j'aime beaucoup les chansons qu'elle écrit. On a décidé de faire donc Rock and Roll Attitude. And actually, Johnny and I are going to work together for the first time. So we've known each other a very long time. Tonight's gonna be special because this is our first time on stage together. Superstitious about you. Thank you, thank you. That's my opening. Je pense que ça ne sera pas une compétition. Je pense que ça va être la panthère et le jaguar, sa trivoise ce soir. J'ai vraiment hâte d'aller me perdre dans ses yeux turquoise. Ce soir encore, Johnny prouvera qu'il y a et qu'il y aura un seul Johnny. Nous sommes le 5 septembre 1998. Johnny approche le Stade de France en hélicoptère pour se retrouver en plein milieu de la scène juste après. que la musique que j'aime, elle vient de là et elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. J'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, et je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur des guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter des peines et des espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Où est la musique que vivra tant que les bras. J'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, oui, je le chanterai toujours. Il y a longtemps, sur les guitares, les mains noires lui donnaient le jus pour chanter les peines et les espoirs, c'est pour chanter Dieu. Toute la musique, tiens-le. Bienvenue ce soir au Stade de France. On cherche encore et toujours des noises à Johnny. Le 11 septembre 1998, dans le journal de 20h sur TF1, John Hallyday, en direct du Stade de France, dément les rumeurs de playback. Comme le Parisien, avec une signature comme M. Achard, se permettent d'écrire des choses comme ça. Bon, qui est absolument faux. J'ai jamais chanté en playback de ma vie. Vous savez, j'ai quatre choses dans la vie que je respecte. C'est ma femme, mes enfants, ma mère et mon public. Et je n'ai jamais chanté en playback. D'abord, je suis très mauvais en playback parce que je ne chante jamais deux fois de la même façon. Et puis, bon, c'est tout à fait aberrant. Je pense quand même que ces gens, ce qu'on dit sérieux, devraient se renseigner un petit peu plus avant de dire n'importe quoi et d'écouter n'importe qui. Vous disiez la semaine dernière que vous aviez la rage de faire la fête et de donner au public. C'est, au fond, c'est toujours ce qu'on sent dans vos spectacles. Mais vous savez, j'essaie toujours de donner beaucoup d'amour à mon public. D'abord, mon public me le rend bien. Si je suis sur scène au Stade de France et puis toute l'année comme je vais faire en tournée, c'est surtout grâce au public, parce que ce sont eux qui m'ont fait, ce sont eux qui viennent me voir, et c'est grâce à eux que je vis. Alors on va retrouver, Johnny, tous les effets spéciaux, les duos, l'orchestre symphonique des concerts de la semaine dernière. Pas de nouveautés, pas de surprise ce soir? Non, peut-être qu'au milieu quand même je ferai une petite mise au point, un petit dans l'unplug, une petite chose pour m'amuser, pour amuser le spectateur. Parce qu'il faut quand même dire une chose, autant s'en amuser, parce que c'est quand même très drôle, là, ce que j'ai lu ce matin. En tout cas, je crois que tout le monde sera très, très heureux de venir vous voir ce soir, y compris Robert Huc, donc avec qui nous allons parler politique. Merci beaucoup, Johnny. Robert, venez vite, parce qu'il y a 80 personnes qui sont en train d'hurler, là, il va falloir que j'y aille. Et ouais, en direct, sans playback. J'arrive, sans délai. À tout à l'heure, merci beaucoup. Alors, vous savez, je vais vous raconter la chose la plus drôle de l'année. Ah, la chose la plus drôle de l'année. Ça a commencé comme ça. Ce matin, quand je me suis levé, j'ai pu lire dans un journal très sérieux. Écrit par un journaliste très sérieux. Ce qui prouve que les conneries, c'est pas toujours dans les journaux qu'on pense. Normalement, c'est dans la presse à scandale. Alors vous savez, dans la presse à scandale, j'apprends toutes les semaines ce que j'ai pu faire la semaine dernière. Mais là, ce matin, je dois dire quand même que c'était quand même quelque chose. On dit que je chante en playback. Alors, comme vous pouvez le voir, je chante en playback. D'ailleurs, je parle en playback. Ça, c'est un micro, donc je parle dans le micro. Ça, c'est une guitare. Quand même, pour vous montrer quelques trucs comme ça, je vais quand même vous faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les soirs. C'était pas prévu. Well, it's one for the money, two for the show. Take it ready now, go, cat, go, don't you? C'est pour ma blues, ain't you? Well, you can do anything, but they are for my blues, ain't you? Ou alors... Well... Bebop, Lula, well, she's my baby. Bebop, Lula, don't be me. Come on up, baby, whole lot of shaking going on. I said, come on up, baby, whole lot of shaking going on. Come on over, whole lot of shaking going on. Avouez quand même que pour des playbacks, c'est pas mal, hein? Nous n'avons plus rien à nous dire. Je suis plus dur que tu le crois. Ne te sers pas de souvenir. Et joue pas de rock'n'roll pour moi. Et tout le monde, hey! Pas de rock'n'roll pour moi. Je fais ce qu'un homme ce nom. Mais le doute et la folie marchent à tes côtés. Tu oses parler de ton retour et de nos souvenirs. crois. Ne te sers pas de souvenirs. Je vais rester sourd, oui pendant très longtemps, avec le sourire de la vengeance sur les lèvres, les bras croisés sur le cœur qui bat de tout son sang. Et j'ai tourné vers l'horizon d'où sortent les rêves. Tu hurleras tes mensonges dans le vent. Oh yeah. Nous n'avons plus rien à nous dire. Ne te sers pas de souvenirs. Cette chanson, j'ai demandé à celui qui a écrit cette chanson avec moi de venir la jouer. Tu es loin de moi. merci. Vous savez, chaque nouveau spectacle que je fais, j'aime toujours choisir une chanson d'un auteur-compositeur français. En général, une chanson d'amour. La dernière fois, c'était l'hymne à l'amour. Et cette fois-ci, c'est une chanson de Serge Gainsbourg. Pourquoi une chanson d'amour? Tout simplement, c'est parce que j'ai pas trouvé le meilleur moyen pour vous dire du fond du cœur à tous que je vous aime et que si après plus de 35 ans, je suis toujours ici, c'est surtout grâce à vous. Donc une chanson d'amour, c'est pour... C'est une chanson d'amour qui vous est dédiée à vous et seulement à vous. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Pas venu sur ma vie, j'ai juré que mon cœur ne battrait non jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne bat plus, mais il pleure. Que tu m'as fait sur ma vie, chérie, je t'attendrai. Merci, merci du fond du cœur. Ça prouve une chose, c'est que vous savez, nous avons gagné 1, 2, 3. 1, le 3-0. Et ce soir, ça prouve encore une fois que le stade est resté français. Merci d'avoir été là. Je vous aime du fond du cœur. Merci pour cela. Et ce 11 septembre a fini sous la pluie. Ainsi s'achève cette émission Johnny 2 à Z avec une rétrospective de l'année 1998 et surtout avec l'album de la semaine Ce que je sais, sorti le 24 janvier 1998. Et on a eu aussi l'histoire de ce fameux Stade de France 1998 qui s'est terminé ce 11 septembre sous la pluie également. Je remercie toutes et tous d'avoir écouté, d'avoir participé. Et puis n'oubliez pas qu'il y a le podcast qui va se présenter sous peu, très peu, très rapidement. Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Bonne nuit à toutes et à tous. Ciao, ciao.